Kabuya. Ti bakona basusi na lembi ki akara ngorangara pasio yo ah ya mama olimo bobe bo peso na pasio bote mama ya mama olimo bobo te biso se biziba ya bobo moteli. Un héritier espérant de foule. Tata n'a pas papi. Kuna Eza Awate. Et Kirin Leonela. Ici Suzuki. Chez Visso Selikampa avec piscine. Mamie de Rosa. Evelina Mongolo. C'est l'Obanse. Appelle Tumba Masikini, mon de robot école. Mère Bita la blonde, Mère Véro la congolaise, Stania Tembo, Dédé Abadede Armani la Fribourg, Mambi Matundo. Agnès et Fonien, Damoukati, Nicole, Nikita, la Maison Blanche, Jepika Kitenge, Bichine Nombawana, PDG à Quartier Latin, Bakoumele Loko, Ado Moujangi. Anto Mouchi, je perds le tomba. Mamie de Rosa, Isalo Masikini, Bankoko Bake Nakabokila. Zonga kina ya wanto lila wanze kwe Leza mazami yo ya melanga mame Firma vantajo ya melanga mame Alphonse Lukundula ya maka Olivia na Johnny Ye, melanga ye, melanga ye Richard, il y a un bobo pour tenir la Katia Lizzie, maman de Bela. Tchau, tchau.